Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Ben je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer. Je me lave à l'encre, je m'élève avec les cancres là, les cancres. Toi, eux aussi, elle con qui est là, à militer contre la bêtise. En vain, on me l'avait dit, enfin, je rappe pour rien, donc il me faut de la tease. Il me faut de la maille aussi, c'est chaud. Putain, la vie est chum, et je peux pas vivre que de mes shows. Je m'assagis si tard, mais je vais de l'avant car il suffit de s'y faire. Lucifer est sur ses terres, mec, c'est sûr, c'était des sons de sitarde, guitare, batterie, de basse, de piano, de violon, ça m'aide pour éviter le bad trip. Car je vois des choses qui m'interpellent, des choses que mon cœur amplifie et qui font mal dès que je m'en rappelle. Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Bah, je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer. Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Bah, je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer. Restez à ma portée. J'ai pas fini de rapporter ce qui se passe ici, j'ai encore plein de notes et plein de portées. Du temps à t'accorder, plus jamais. Je fais ma vie donc j'en profite et je m'en bats si j'en vois ramer. Tu sais, c'est l'anarchie dans ma teuté. Depuis que j'ai sorti mon scud, même si c'est localement, j'en vois me têter. J'envoie mon rap et si ça choque, mec, tant pis, je remplis des salles avec mes sauces impec. Eh, hey, on passe notre temps à le perdre. Putain, c'est trop vrai, frère. Comme toi, combien de fois j'ai pu rêver de la refaire? On oublie trop souvent qu'on en a qu'une. Chacune est différente, je passe la mienne à combler mes lacunes. À combler les jours, les semaines, les mois, les années. Je viens pas des blocs, mais moi aussi, si j'ai trop zoné, à force on débloque. Mais je m'en fous, moi, si on smoke, je tousse pour toi et je vous fuck tous. Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Ben je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer. Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Ben je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer. Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Ben je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer. Laissez ma vie se faire, laissez-moi naître, laissez les fenêtres ouvertes pour que de vos douleurs je puisse me satisfaire. Laissez les êtres humains se tuer. Comment tu fais? Ben je suis doué. Mes mains sont sales aussi, ça ne fait que s'accentuer.